divin, ardente flamme, Vénus, Adonis, gloire à vous. Le feu brûlant nous colle l'âme, hélas, ce feu n'est plus en nous, et toutes nos Vénus. Oh,